On va dire bonjour à Camille Edvis, à Mathieu, bonjour. Bonjour. Voilà, qui viennent d'arriver. Et donc, je vais demander, en fait, t'as changé de lecteur ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le... toute l'interview de Marie-Pierre Howell, donc qui nous expliquait le fonctionnement de la poudrière en ligne. Désolé pour Marie-Pierre. Puis de toute façon, on repassera l'interview complète un petit peu plus tard. Et puis, on va profiter du direct et on va parler un petit peu avec Amy Elvis, avec Mathieu, donc de Brisebois, de la poudrière et puis surtout, comme on disait avant, de ce qui se passe après la poudrière. C'est ce qui nous intéresse puisqu'ils sont sortis il y a longtemps. De la poudrière, là, c'est juste pour les faire un peu aller, les faire devenir vieux alors qu'ils ne le sont pas. Et vous allez donc ou m'en vouloir ou m'adorer. On va continuer avec I Wrestle. J'ai horreur de ce nom. Pourquoi ils n'auraient pas pris un nom plus sympa? A Bear Once. Donc, j'aime bien le titre en français. J'ai catché un ours une fois. Et vous allez entendre de nouveau la voix sublime de Krista Cameron, qui n'est pas un très joli nom. Cameron. Krista Cameron, en tout cas. Et on va écouter le morceau. C'est le morceau 7, non? Hein, c'est 7 qui doit être peut-être Ulrich Fireland, Breaker of Mountain. Vous allez entendre juste en plus à la fin, il y a un petit quelque chose spécial anime. Donc on écoute la superbe voix de Krista Cameron. Merci Ariel. Voilà, donc c'était pas le bon morceau. Je crois que ça doit être Danger in the Manger. Ok, en tout cas, c'est toujours Krista Cameron que vous écoutiez et I Wrestle a Bear Once. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. On est en direct. Voilà, je le redis. Et donc nous allons parler de la poudrière, notamment, avec donc Mathieu Brisebois et Camille Elvis. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, il avait manqué 2 minutes. Elle nous a à peu près raconté tout ce qui se passe en 2 ans. Marie-Pierre Howell, elle vient nous raconter tout ce qui se passe en 2 ans, trimestre par trimestre. Au début, puis après les films d'une minute, travail sur les scénarios, l'adaptation d'un livre pour enfants en fin de première année, plus de travail sur le film, évidemment, de fin d'études, ouais, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez, quel souvenir vous avez, chacun, je sais pas, Camille, Alice, Mathieu, quel souvenir vous avez? Moi, j'ai beaucoup des souvenirs humains, en fait, aussi. C'était très important, la promo, et enfin la promo d'avant, d'ailleurs, Mathieu, on s'est croisés, en fait, on était ensemble une année. et la promo d'avant et la promo d'après et la promo dans laquelle on est, parce que ça veut, enfin il y a vraiment un échange et une émulation qui sont très fortes et très bénéfiques. Ouais, ouais, c'est ce que ouais. C'est drôle, c'est ce que dit Marie-Pierre, ouais. Énormément, disant qu'il y a beaucoup de ouais, dialogue entre les on n'est pas nombreux ouais. Déjà et du coup enfin voilà, ça favorise l'échange et c'est très très bien, ouais. Et c'est, et d'ailleurs Florentine, juste par on t'as des petites choses derrière le comment tu prépares l'émission, parce qu'en fait au départ on connaît quelques personnes de La Poudrière, Paul oui. Cabon, donc Marie-Pierre, et donc ils ne pouvaient pas venir, et en fait chacun a donné plein de pistes. Oui, il y a beaucoup de réseaux en fait, chacun voilà. Des anciens que je connaissais déjà m'ont donné des noms d'autres anciens, et il y a certains anciens, je sais par exemple Sophie Rose, je me souvenais plus qu'elle était sortie de La Poudrière. Il y a plein de... On a l'impression que tous les réalisateurs qu'on connaissait, ils sont sortis de La Poudrière. Et donc oui, il y a pas mal de réseaux. Chacun connaissait un peu toutes les... C'est une mafia. Oui, voilà, c'est un peu ça. Non, là, c'est vrai que Mathieu, ça fait quand même 10 ans. Donc il commence, même si c'est à chaque fois les petites promos de maximum 10 élèves, il commence à y avoir quelques, quand même pas mal de personnes qui sont sorties de l'école. Il faut que tu parles juste un tout petit peu plus oui, proche. Alors. Voilà, proche, d'accord. Voilà, du micro. Merci. Donc, c'est vrai que moi, je connais peut-être plus les promotions qui étaient avant... Celle de maintenant, beaucoup moins, quoi. Je crois que ouais, de la promo de Marie-Pierre, justement, elle, je la connais parce que j'avais aidé un peu à faire du compositing sur son film de fin d'études. Mais c'était un peu la dernière fois que j'avais été à La Poudrière pour travailler. En fait. Et toi, alors, toi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est incroyable, parce que quand j'ai regardé sur le site, c'est d'abord La Cambre. Oui. Donc les 5 ans de La Cambre. Non. D'accord. Non, en fait, justement, quand je suis rentré à La Cambre, j'ai fait les trois premières années. Et donc, c'est à ce moment-là que La Poudrière est ouverte. D'accord. En 2000. Ben, 1999, hein, je crois, on a dit. Donc, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, enfin, l'année scolaire de 2000, ouais. Ouais, voilà. Et donc, en fait, je suis allé visiter l'école, parce qu'en fait, je m'étais cassé le bras et j'avais profité du terme de ma... Je devrais pas le dire. si, c'est bien de casser un peu les mythes et d'avoir des choses très... Donc, très en fait, c'était aller visiter l'école en profitant de comme je viens d'Annecy, en fait, et profiter de mon séjour à Annecy, de rétablissement pour aller visiter l'école. Et en fait, ça m'avait tout de suite énormément plu et des choses que j'aimais pas trop à La Cambre, que je me suis dit, là, voilà, à La Poudrière, il y a vraiment plus de liens. Enfin, c'était surtout par rapport aux horaires, en fait, et à des opportunités de travail. De pouvoir rester autant de temps qu'on voulait dans l'école, ça me plaisait. Alors que La Cambre, oui, c'est fermé pendant les vacances, fait, voilà, c'est ça quand, Non, mais même, c'est fermé le soir à la fin des cours, en fait. Donc, on se faisait toujours virer. Alors que c'est vrai que, bon, l'animation, ça demande quand même pas mal de temps. Et du matos qu'on n'a pas forcément individuellement. Enfin, et en fait, voilà, le programme pédagogique, le fait que ça soit des intervenants qui arrivent, alors que la Cambre, on a un petit peu plus laissé ouais, c'est ça, mais à soi-même. Il n'y a pas... Ça donne pas envie d'avoir cette liberté de la Cambre. Après avoir fait les 3 ans, je trouvais ça intéressant, le côté peut-être plus professionnel, en fait, que pouvait apporter la formation de La Poudrière, ce qu'elle promettait, quoi. Tu voulais dire quelques noms? Non, mais je sais pas si on a encore cette possibilité-là à La Poudrière, justement, de rester le soir avec les clés pour faire nos films. Je sais pas où en est, ça. Ouais. Parce que vous étiez pas. Ah oui, c'est pas. Je suis la cartoucherie. Nous, on a changé de lieu. Ouais, enfin, La Poudrière a changé de lieu depuis. Nous, on était dans des vieux préfabriqués, un peu dégueulasses, mais on avait la clé. Voilà. Alors que là, les et le code, ouais. Là, peut-être que les 900 mètres carrés. Maintenant, c'est ça. Hein. Je pense que ouais, j'ai comme ça, c'est un bâtiment 900 classé, mètres carrés. Ça, de, ouais. Voilà, donc maintenant, ils font attention peut-être. Ouais, c'est un peu plus contrôlé. Ouais. Oui, puis ouais, c'est ça. Il doit y avoir un système des gens général, qui gèrent le lieu en entier. Ouais. Ouais. Alors, quand on regarde vos films à tous les deux, ils sont bien différents. C'est difficile quand on a deux personnes. Je vais juste faire. Allez, vraiment, on va tenter de faire 5 minutes pour vraiment parler d'aujourd'hui. Mais quand je regarde rien que les titres. J'aime pas les pulls qui grattent. Comment obtenir de votre cerveau un rendement optimum? René Le Rennes. Donc déjà tout ça c'est Skeleton. Ça plairait à tous les geeks. Ça te plairait, Florentine. Faut que tu le regardes sur le site. Qu'est-ce qui se passe une fois que le jeu est une fois que le jeu est fini, une fois que la personne a arrêté, qu'est-ce que font les personnages qui s'entretuent? Voilà. Donc on a tout ça. Donc on a des choses qui sont complètement différentes. Et quand on regarde tout ce que t'as fait à La Cambre, notamment au début, on sent Camille Elvé, c'est la même chose. On sent une volonté d'expérimentation et d'aller dans des styles différents, mais absolument complètement différents. Toujours avec un humour un petit peu décalé, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe dans ces années de la Cambe? Il y a vraiment cette idée dans l'animation de rechercher, d'aller dans toutes les techniques pour voir ce que ça donne. C'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment pris le temps d'essayer d'acquérir un style graphique particulier. Mais donc, je suis assez libre en fait de pouvoir essayer de faire plus ou moins du volume ou du dessin. C'est sûr que ça n'a pas forcément un niveau très abouti. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer plein de choses différentes. J'ai toujours aimé faire ça. Et... Toujours cette volonté aussi d'humour et d'humour un peu particulier. Particulier, non, c'est vraiment terrible de dire ce genre de mot, pardon. Ouais. Un peu cynique, voilà, cynique. C'est ça. Je t'avoue que j'étais surpris parce que je pense l'avoir vu à l'époque. Et alors, donc, pendant les deux ans de la Poudrière, j'ai dit qu'on n'en parlait pas trop, donc on va vite en parler. Il y a Essoufflé, le film d'une minute, oui. Qui est un plan subjectif sur des pieds dans des situations complètement différentes. Oui. Est-ce que tu te rappelles du sujet parce que c'est un sujet imposé, une minute, comme disait Marie-Pierre. Le bonheur. D'accord. Et les profs ont. Tu leur as dit, tiens, je vais faire des plans subjectifs sur les pieds. Et... Quand on a une idée de film à la Poudrière, il faut surtout la défendre. Ça fait vraiment partie de la formation, quoi. Un peu tester ses envies de réalisateur. Et donc, pour moi, c'était le bonheur plutôt par rapport à la sensation, en fait. Enfin, lié au plaisir, en fait. Voilà. Donc, d'accord. Je ne sais plus exactement ce que j'avais dit, mais c'était retrouver des moments de bonheur, un peu l'extase physique à travers ces plans de pieds. Pieds nus dans plusieurs situations, Et donc il y a ça, donc déjà en effet, alors bon, ça passe, ça je veux bien croire que ça peut passer, j'imagine bien Laurent pouvoir enfin dire ouais tiens, on va voir ce que ça va donner, etc. Par contre, je suis désolé, mais alors j'étais plutôt ravi de voir ça parce que quelque chose que je critique assez souvent à ce micro maintenant, Canal J, tu peux pas me dire que Canal J a vu ton idée, c'est du Banshee. Pour ceux qui ont vu les Simpsons, mais des années avant les Simpsons, Banshee avait fait un petit truc pour les Simpsons où on voit, on part des Simpsons et petit à petit on arrive en Chine ou en Corée, pardon, où on voit les gens en train de faire, on voit des enfants en train de faire. Ouais, c'est un truc très exagéré, voilà, sur la fabrication du dessin animé des Simpsons. Oui. Et toi, tu fais quelque chose qui revient absolument au même, où on voit un petit enfant qui ouvre et qui ouvre son commandant de Joe et qui est content, et on part de la et puis on arrive en Chine avec des petits enfants qui font des habits de commandant de Joe, voilà. À la chaîne. On rappelle juste à sucre rapidement, c'est Canal J, c'est une chaîne pour les enfants, ils sont super chiants, c'est-à-dire qu'ils sont derrière tous les élèves en disant, faut que tu fasses ça, Marie-Pierre nous en, je sais pas si on l'entend, mais elle en parle en disant qu'elle l'a fait, elle voulait se débarrasser le plus rapidement possible, elle a fait ça, elle voulait vite passer à son film, et elle voulait faire un film poétique, on lui dit non, faut que ça soit drôle, enfin, etc. Comment ça a été pris, ça? Donc, en fait, moi, j'avais fait un premier film Canal J, donc Skeleton, j'avais été invité à la Poudrière pendant un mois pour faire ce Canal J. C'était la première année qu'on faisait le Canal J, quoi. D'ailleurs, c'était que la Poudrière à ce moment-là. Donc, on avait fait les films, et donc, la deuxième fois, ça venait quand même, je pense, pas mal de Federico Vitali qui a encadré le Canal J. Et c'est vrai que, bon, la plupart, enfin, ouais, le côté un peu, on va dire, corporate n'était pas flagrant. Enfin, tout le monde n'avait pas envie de faire des films pour faire plaisir aux enfants. Et c'est vrai que Federico, il a un petit peu motivé ceux qui avaient envie de faire des choses plus subversives, on va dire, à les faire. Je sais plus ce que c'était le thème, c'était garçon-fille. Un truc comme ça, les garçons et les filles. Ouais. Et en plus, même le thème, tu vois. Hyper, un truc, oula. Garçon-fille pour le pire. Normalement, il finit toujours par pour le pire ou le meilleur. je sais plus trop. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout passé auprès de Canal J, quoi. Ils l'ont passé quand même ou pas? Non. Même pas. Non, je crois qu'il a même pas été sur le site, il a pas été hors concours direct. Ouais. Mais je sais que, alors je pense qu'ils ont changé après, mais à ce moment-là, on pouvait se dire à Laurent, donc le directeur des études, un peu de nous laisser, genre voilà, on fait quand même un film, mais on le fait comme on a envie de le faire, quoi. Et l'année d'après, toi tu te rappelles, t'es l'année après, ils ont viré Federico Vitali, ils ont appelé Stéphane Bernasconi en disant Stéphane, t'es mieux, t'es plus tranquille. Non, c'était Georges Lacroix, nous, qui avait encadré l'atelier. Mais mon film n'a pas été diffusé non plus. Parce que nous, le thème, c'était quand je serai grand, ou un truc comme ça. Et donc, moi, j'avais mis un grand et un petit. Et le petit insultait le grand jusqu'au moment où le grand lui fout une grosse beigne. Et ils n'avaient pas aimé qu'on frappe des enfants. Puis en fait, ouais, mais je pense qu'ils n'avaient pas aimé le traitement graphique, surtout bah, oui, parce que c'était, pas... c'était un peu trash et tout. Et alors que moi, je l'ai montré à des enfants qui ont beaucoup rigolé en fait en voyant le film. Mais ah oui, ça m'étonne. Oui, voilà. Quand on le voit, on se dit que les c'est, enfants. Non, c'est pas méchant, c'est, ouais, oui. Vraiment. Enfin, non. Les frapper. Enfin, voilà. Au contraire, c'est. Bah, on peut les frapper, les enfants. Oui, puis j'ai des histoires en plus qui fonctionnent toujours avec les enfants. En plus, donc, il y a quand même toujours un décalage entre l'image que se font les chaînes des enfants et les vrais enfants de, dans la vraie vie bah, qu'on peut voir. Dans les ateliers, il y a quand même pas mal de censure. Ça, c'est le problème de Canal J, c'est le problème de faire croire que les enfants, enfin, nous faire croire que mais c'est... qu'ils savent ce que veulent absolument les enfants alors qu'ils ont tous. Ouais. 45 c'est pas forcément, ans, c'est pas forcément Canal J d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de chaînes comme ça. Ouais. Les programmes pour enfants sont assez formatés. Et, ouais. Ouais. Donc, moi, maintenant, c'est fini. La Poudrière fait plus attention. C'est Canal J, ce qui fait que ça leur permet de gagner chaque année souvent un prix. Ils sont plus tranquilles, ils font plus attention. Je pense qu'ils ont un petit peu orienté la participation. Ouais. Déjà, le fait qu'il y ait plusieurs écoles, sur le fait de un peu plus jouer le jeu, on va dire, alors que nous, on était peut-être encore... Ouais, puis c'est vrai ceci que... dit, enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, le Canal J. Hein. Ah, mais moi aussi, mais ouais, c'était un mois, justement, ça faisait une coupure dans le film de fin d'études. Où voilà, on s'est tous amusés à faire ce qu'on voulait. C'était assez libre, on faisait autre chose. Du coup, ça nous faisait une bulle un peu d'espace, un peu d'air, quoi. Et c'était bien. Ouais. Bon, c'est évident qu'en plus en changeant d'intervenant et changeant de faire que Vitaly qui est quand même assez barré. Georges Lacroix, c'est déjà un peu moins barré. C'est fantôme, hein, on l'avait reçu ici. Ouais. Et là, en passant par Stéphane Manaskoli, qui est quelqu'un qui est maintenant lui de la télé, qui a tout le temps bossé en télé ou quoi. Je pense que ça doit. Peut-être. Ils font plus attention. Ouais. À cause de vous. C'est à cause de vous, maintenant ils sont obligés. Il y a eu d'autres de... calés hein, dans le temps. On forme une petite équipe de. Ouais. Des noms. Ouais. Mais je crois qu'il y en a eu un de la Poudrière il y a 2-3 ans qui était encore. Qui était, c'est la seule école où il y avait pas. Il n'y avait pas Ulrich Tautier. Son film n'avait pas été pris. Il était super bien. Son film était très bien. C'était super. Ouais, super. C'est celui. Il y en avait un qui avait été refusé par rapport. Mais j'arrive plus à me souvenir. C'était si j'étais président. Oui, tout le monde c'est celui-là, c'était celui-là, ouais, voilà, celui-là qui était super bien. Je me rappelle qu'ils avaient été ulcérés et qui étaient super. Il était vraiment très, très speed et très drôle, ouais. Mais effectivement, il y avait un peu de second degré, du coup. Bon, voilà. Ouais, les enfants peuvent pas comprendre non, pour. Non, pas pour... toujours. donc, ça, c'est Canal J. J'ai suffisamment critiqué Canal J, on va pas repartir là-dessus. Et donc, les deux films de fin d'études. Alors, il y a Rue des Abattoirs d'un côté et The End. De l'autre, est-ce que vous nous parlez un petit peu, on commence par le plus ancien. Mmh. Les abattoirs, c'est un mélange de prise de vue réelle avec des masques. Ouais, voilà. Et qui raconte des fausses pistes. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. D'accord. Et comment ça s'est fait? Tu te rappelles un peu du... Alors ça, c'était aussi assez un peu challenge, on va dire, parce que c'était en fait la première fois... Il y avait un élève qui voulait faire un film avec des acteurs debout. En fait, d'ailleurs, avec Camille Elvis, on était les deux premiers à faire avec des acteurs. Donc, il n'y avait pas, dans les petits locaux, en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Et surtout, bon, au début, ils n'étaient pas très chauds, quoi. Mais ça, c'était assez. C'était un peu rock, quoi. C'était assez bien. Moi, c'était des personnages donc, filmés avec des masques en papier mâché. Sur fond de couleurs et détouré, mis dans des photomontages. En fait, tous les décors, c'est des photomontages pour la technique. Alors, ce qui est juste dommage par rapport à la Poudrière, c'est que normalement, vous n'avez pas le droit de mettre les films en entier sur les sites. sujet. Ça, c'est un bouton pour censurer. Ça, c'est l'un des grands problèmes. Ouais, c'est tout cas. Ouais. Laurent risque d'écouter à un moment donné. Donc non, voilà. Non, on est sur une radio, on peut tout dire. Complètement. Et moi, de toute façon, je râle à chaque fois. Moi, sur mon site d'OLM, je dis à chaque fois à quel point. Et je leur dis à Annick et Laurent à chaque fois en disant je trouve ça dommage que les films ne vivent pas par la suite. Bah, c'est assez compliqué. Il y a une politique qui est compréhensible de l'école qui. Voilà, sur les droits d'auteur, où on dit bah voilà, les films, ils appartiennent à l'école, ils sont. Ils doivent être diffusés en salle d'abord et tout ça. Et ce qui est très bien à la télévision pour ceux qui ont été préachetés. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il y a préemption et où on pourrait tout à fait. Ou au moins, Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que tous les films de La Poudrière soient en ligne avec un accès à la limite verrouillé pour les, soit pour des programmateurs, soit pour tous les autres étudiants. Parce que moi, j'aimerais aller voir sur le site de l'école les derniers films sortis, mais sans aller à Valence tous les ans pour voir la projection. Et voilà, ça, c'est le genre de truc, c'est dommage. Et d'avoir une chaîne, ouais. La Cambre, aujourd'hui, a une chaîne Vimeo, où on peut voir les premiers essais de Patard, enfin voilà, les premiers essais, c'est Obie, je crois, qui étaient, enfin en tout cas les deux étaient, mais... Enfin voilà, on voit tous les premiers, Florence Henrard, on voit tout ça. Je pense qu'on voit aussi ce que t'as fait. J'aime pas les pulls qui grattent, il l'avait mis. Voilà, et c'est quand même assez passionnant, parce que finalement, The End des Rues des Abattoirs... ils sont difficilement visibles. Ouais, non, mais, moi, donc c'est vrai que j'avais été ceux qui se sont fait taper sur les doigts parce que j'avais mis mon film en entier sur le site internet. Je l'avais enlevé quand on me l'a demandé. Et c'est sûr que, par exemple, là, comme en fait, il avait été choisi par Canal+, parmi les films préachetés, donc le système, c'est quand même Canal+, dans son contrat, acheter les droits de diffusion aussi sur Internet. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est que si l'école voulait continuer de bénéficier de l'entièreté de la somme du préachat, il fallait qu'elle puisse garantir quand même à Canal+ et Arte des droits de diffusion sur Internet. C'est 2 ans. Et puis c'est un peu faux. Je vous le dis, c'est un peu faux. Enfin, moi, je pense que pas rester. Façon, c'est bon. Les années sont passées en tout cas. Ouais, on peut pas rester trop longtemps là-dessus. On va plutôt vous intéresser à ce que vous faites maintenant. Mais moi, une petite expérience par rapport à un film qui s'appelle Pistage de Valérie Pierson de l'ENSAD que j'avais mis sur mon site. Et Valérie avait été achetée par Arte, m'avait appelé pour me dire je suis absolument désolé, Arte va le mettre sur son site. Bien évidemment, il fallait que je pouvais l'enlever. J'allais l'enlever moi du site. Et Arte a dit non, il y a aucun problème. Un site. Il y a quelques centaines de personnes par semaine. Ils sont souples, notamment Arte. Oui. C'est vrai qu'ils sont sympas avec ça. Ils vont pas chercher donc, des noises. Mais problème, non, mais c'est plus un problème éthique. Je pense, pour l'école. C'est vraiment. Ce qui est dommage, c'est que si on n'a pas fait la queue de la souris. Le film, on va avoir du mal à le voir. C'est-à-dire que là, les films, d'un seul coup, on va devoir. C'est vrai que mon film, moi, il a été un peu sur le site d'Arte justement, parce qu'il avait été préacheté. Mais je pense pas qu'il y soit encore, je sais pas. Non. Voilà, donc maintenant je pense que de toute façon on peut les mettre. On est sorti il y a suffisamment longtemps. Non. À chaque fois, je te demande chaque année. C'est mon hébergeur qui avait rétabli le lien que j'avais fait exprès de le casser. Donc le site était visible, mais que avec une adresse ancienne. Non, avec une adresse chiffrée, on va dire. Qui n'était pas accessible avec un HTML, quoi. Bon, est-ce que... Faut pas le dire. on passe. Et toi, tu te souviens, dans The End, ça s'était passé comment? Difficile, en effet, par rapport aux acteurs. Toi aussi, tu travailles dans Moi, j'avais bossé avec des acteurs, mais déjà sur le film d'une minute, j'avais en pixelation, j'avais fait venir un pote et on avait bossé à La Poudrière en pixelation. Ils avaient pas été si, ça avait pas posé trop de problèmes. C'est vrai qu'ils avaient un peu peur parce que du coup, c'est plus d'infrastructure, ça coûte forcément peut-être un peu plus cher ou quoi, mais il y a des solutions, donc on trouve des solutions et puis on arrive à le faire comme les autres font du dessin. Enfin voilà. Et c'était passionnant, Zien, j'avais collaboré avec deux acteurs de la Comédie de Valence. Donc, il y avait des liens, il y a toujours des liens, je pense, qui sont tissés entre la Comédie de Valence et La Poudrière. Et c'était très bénéfique. Du coup, j'avais deux acteurs de la Comédie et on a filmé en réel et après avec des, moi j'avais, en fait, c'est l'histoire de... Film en noir et blanc. C'est la fin d'un film hollywoodien des années 40, polar et tout ça. Après la fin, il y a un coup de téléphone et on comprend pas très bien ce qui se passe. Et le héros s'échappe du film dans les nuages, dans un espèce de... Après Hollywood, un paradis comme ça. Donc là, il était sorti du film. Donc j'avais littéralement imprimé sur des feuilles de papier et découpé, et donc j'avais tous mes petits bonhommes comme ça sur des feuilles de papier que j'ai re-shooté en stop motion dans un décor en volume, quoi. Voilà. Un peu à la fast film, un peu fast film d'Hollywood, de travailler sur les mythes, en tout cas sur les figures comme ça. Voilà. Et c'était très marrant parce que du coup j'avais filmé l'acteur dans un champ parce que je voulais du vent, donc on était allé à Valence, il y a beaucoup de vent. On est allé dans un grand champ et j'avais filmé comme ça, puis après je découpais, j'avais fait du détourage manuel, donc c'était très bien. Du détourage manuel, ouais. C'est pas vrai. Vous vous souvenez du chacun de vous deux du un des de ça y est, je vais y arriver de non, je vais pas y arriver. La diffusion aussi des deux films ensuite en festival. Vous vous souvenez de vous êtes baladé avec le film. Est-ce que ils ont marché, pas trop marché? Comment s'est passé, Mathieu? En fait, moi, je crois que j'ai pas été dans un festival avec ce film. Ouais, oh, c'est vrai. Parce qu'en fait, la Poudrière, quoi. Mais comme beaucoup d'écoles, mais tous les films sur un DVD qu'ils envoient en festival comme ça. Ouais. Donc vous êtes obligé de être en compétition quelque part avec les autres films de votre promo. Il y a de ça. Ouais. Oui, enfin, comme avec tous les films qui sont produits chaque année. Oui. Pas que vous, mais c'est ça. C'est qu'il suffit qu'il y ait un film un peu plus fort qu'en sort. Je suppose que Alice, c'est la même chose à l'MK ou l'MC. C'est même pire parce que vous êtes beaucoup plus. Donc je crois qu'ils font un choix, non? À l'MC, donc on est une trentaine en fait. Donc au niveau du choix, ça, enfin en fait, ça dépend. C'est un petit peu normalement, c'est visiblement c'est l'encadrement qui décide, parce que le problème c'est que les festivals, pour ceux qui savent pas, souvent des festivals par exemple comme Annecy demandent qu'on envoie uniquement, alors peut-être pas à l'époque, mais maintenant qu'on envoie 10 films uniquement par école. Pour éviter d'avoir évidemment une trentaine ou une quarantaine de films des fois par certaines écoles. Donc oui, c'est en fait ils font un choix, c'est un peu subjectif. Je veux pas non plus dire quelque chose qui serait faux, mais je sais pas exactement s'ils envoient tout. Remarque, pour l'M6, il me semble qu'ils avaient quand même tout envoyé. Bon, je préfère ne rien dire pour l'instant. Moi, je sais que de dire aujourd'hui rien. En tout cas pour l'MK. Ça, je le sais. En effet, il y a un choix qui est fait. Alors, des fois, tous les films sont pas terminés. Alors que vous, à la Poudrière, c'est une obligation. Enfin, à l'MK aussi, mais ça arrive que des fois. Alors que ça arrivait que des gens finissent pas à la Poudrière. La première promo, année, ouais. Michael Alex, il avait fini son film. Septembre, Même plus de temps. Septembre. Il était long aussi son film. Il y a une limite de temps maintenant qui a été imposée, oui, c'est ça. Du coup, qui permet de les finir. Et puis, il y avait les clés qui nous permettaient de finir les films la nuit. Ouais, mais oui, ils envoient tous les films. L'intérêt, c'est que c'est des promos de 10 personnes à la Poudrière, donc ça doit rentrer dans les cases du festival. Et moi, mon film, il avait été pris un peu dans quelques festivals. Ouais, je me souviens l'avoir vu à Paris en salle, et puis après, il avait été pris par la SACEM aussi pour, je sais, parce que j'avais fait la musique du film. Mais oui, il avait un petit peu tourné, quoi. Voilà. Ouais. Alors ensuite, ce qui nous intéressait de vous avoir, c'était après la Poudrière. Qu'est-ce qu'on fait après la Poudrière? La Poudrière, c'est une école de réalisation. C'est la seule en France, c'est presque même à mon avis l'une des seules au monde en animation uniquement, où on a, même si maintenant je crois les Gobelins, le diplôme est plus ou moins d'assistant réalisateur, enfin genre chose, mais c'est l'une des seules. Et pourtant, Annick Tenage, quand on lui demande, dit bien, oh là là, on leur dit bien, c'est une école de réalisation, mais s'il y en a un ou deux qui sont réalisateurs, ou une ou deux qui sont réalisatrices après, voilà, tout le monde ne sera pas réalisateur. Donc, quand on sort, est-ce qu'on a de suite des opportunités? Marie-Pierre nous disait qu'elle travaillait à Folimage, qui était en face. On a Paul Cabon récemment qui travaille à Folimage. Il y en a pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous un petit peu? Allez, Camille, juste on va passer, comment ça parle? Après, on n'a pas forcément, je pense que tout le monde qui sort de la Poudrière n'a pas forcément envie d'être que réalisateur, et l'intérêt du cinéma d'animation, c'est effectivement qu'on peut toucher à plein de choses. Moi, je suis sorti, j'ai fait des stages avec des enfants, avec la pellicule Ensorcelée notamment. J'ai réalisé des petits films, j'avais fait un petit film pour un musée, j'avais fait... Puis j'ai bossé en fait assez vite à Je suis bien content. Pour, les deux, vous avez bossé sur Lila Lili, non? Ouais, sur Lila Lili, ouais. Et je suis resté pas mal à Je suis bien content, et là dernièrement j'étais encore assistant réal sur une série. Et après sinon j'ai fait un film. Alors, on va parler d'Inukshuk bien sûr, mais de manière très concrète. Tu sors de la Poudrière, t'as une bande démo. Tu envoies la bande démo. De manière très concrète, par exemple, je suis bien content, c'est parce que j'avais, il y a Émilie qui était dans ma promo aussi, qui a fait Bout en train, Émilie Saint-Genin, qui bossait sur l'île à Lily, puis qui devait partir parce qu'elle avait autre chose, et elle m'a dit, ah bah voilà, il y a une place qui se libère, si ça t'intéresse, est-ce que je leur parle de toi? Bah oui, vas-y, voilà, donc c'est le réseau, le mafia poudrière. D'accord. qui m'a donné du boulot à ce moment-là. Et sinon, c'est effectivement, on va un peu démarcher, mais c'est beaucoup par les gens qu'on connaît, et qu'on rencontre, et ouais. Mathieu, toi, comment c'est passé? C'était pareil, toi, tu sors donc avec les abattoirs, tu l'envoies dans tout, ou alors c'est pareil, il y a quelqu'un qui dit bah tiens, moi je travaille dans telle boîte et. En fait, ouais, quand je suis sorti de, parce qu'en fait, avant de faire la cambre, j'avais fait du graphisme, en fait, un BTS communication visuelle. Et ce qui m'intéressait pas mal, c'était d'essayer de faire du graphisme animé, en fait. Peut-être vers le générique de film, il y avait eu pas mal de très belles réalisations de génériques de film, et ça donnait envie. Enfin, même l'animation pouvait bien se prêter à ça. D'ailleurs, il y en a eu pas mal. Donc, je suis décidé de venir à la capitale avec ma petite bande démo. Et j'ai fait le tour des boîtes, et j'ai pas vraiment trouvé... des trucs fantastiques. Ouais. J'ai fait pas mal de... Enfin, c'était un peu un creux, quand même, niveau boulot. Donc, au moment de la sortie, à un moment donné, ouais. Un peu, ouais. Donc, moi, j'ai un peu galéré, on va dire. Et en fait, après, grâce à Stéphane Ricard, le réseau... Donc, autre d'avrière, voilà. Donc, oui, il n'y avait pas encore beaucoup de réseau à ce moment-là, mais il y avait déjà... Commencé, donc, j'avais travaillé sur... comme je connaissais très bien After Effects, j'avais fait technicien compositing sur une série... Sur un, c'est pas une série, d'ailleurs, c'était un film pour un parc d'attractions japonais, à Sparks. D'accord. Donc, compositing sur un film 3D... Et c'est vrai qu'après cette première expérience de compositing, j'aime bien utiliser ce logiciel. Donc en fait, non, après je voulais, ouais, donc il y avait déjà l'île à Lily, on en entendait parler depuis un petit moment, et donc moi je voulais vraiment essayer de travailler là-dessus, ça me plaisait. J'avais rencontré Marc Jousset pendant les études à la Poudrière, donc j'avais bien accroché avec. Ouais. Mais une seule série intéressante. Ouais, voilà quoi. Ça a donc deux ans, enfin de. Malheureusement. Donc après je suis bien content après Lila Lili. Qu'est-ce qu'il y a après Lila Lili? J'ai fait quand même quelques boulots un peu plus vers le graphisme. J'ai aussi des collègues, des copains qui sont plus dans le graphisme en fait sur Paris. Mais après, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a toujours appelé pour faire du compositing. Donc aujourd'hui... Je suis devenu un peu reconnu, comme ça. Non, mais c'est bon, c'est un peu... c'était pas vraiment un choix. C'est vrai qu'on évite, avec une étiquette, de voilà, toi, tu sais faire ça, tchac. Donc pas d'envie aujourd'hui de faire de revenir vers le court-métrage ou... Si. C'est, en fait... donc en fait là c'est encore toute une histoire en 2007 avec Christophe Gautry qui est aussi un ancien élève de la promotion de Camille Elvis, on avait présenté un projet au concours de projet Annecy qui s'appelait Vertige, en fait un film en pixelation avec l'idée de faire quand même quelque chose d'assez expérimental. On avait eu le prix SACD, mais on n'a jamais réussi, malgré de nombreux efforts, à faire entrer un dossier au CNC. En fait, on s'est toujours fait un petit peu embarré, comme quoi, comme on ne voulait pas faire quelque chose de très narratif, ça clochait un peu. Vous n'avez pas de producteur, c'était vous voulez le rentrer en... Si, en fait, on a commencé avec l'Ardux, parce qu'on s'est dit qu'eux, ils avaient quand même une petite connaissance dans la Pixie, là, notamment avec leur série d'avant, là. Mais ouais, voilà, donc c'était un petit peu la déconvenue. Et en fait, Christophe avait quand même continué de présenter le projet à Japic. Donc, on a fait partie. Donc, ça, c'est un truc tout nouveau. Ah ouais, je connais pas. Voilà. Donc, en fait, Japon. L'année dernière, voilà. Ouais. Donc, d'ailleurs, j'ai revu sur un mail de la Poudrière que la prochaine session, c'est le 5 septembre. Donc, on a fait partie de les trois premiers projets sélectionnés par JAPIC. D'accord. Donc Japan Image Council. okay. qui organise une résidence pendant 2 mois et demi pour des réalisateurs de films d'animation. Là, c'était la première fois. Donc, ils avaient choisi un film de Chen, je ne sais plus comment il s'appelle, son film. Bon, un réalisateur chinois, Joseph Pierce. Oui, un réalisateur anglais qui avait fait, Family Portrait. Voilà, donc il avait fait il était en train de faire un film qui, dans cette optique-là. Et donc, notre film. Donc, c'était, normalement, ils invitaient qu'un seul réalisateur. On a décidé de prendre en charge nous-mêmes l'hébergement et la vie là-bas, le billet pour être tous les deux, quoi. Et donc, on a passé 2 mois à Tokyo à faire notre film, donc avec l'idée de faire un personnage un peu, on va dire, perdu dans une grande ville. Donc, c'était bien Tokyo pour ça. Et il s'est passé une catastrophe naturelle qui a engendré une catastrophe nucléaire. Ouais, fait qu'on a dû partir et avant d'avoir vraiment fini le film. Mais là, on essaye de voir comment on peut le terminer. Et Christophe, Gautry ne travaille pas avec Au film du Nord ? Il fait une trilogie. Oui, il travaille. C'est une tétralogie. Avec, non, c'est une trilogie. C'est une trilogie, ouais. Non, ils viennent de finir le troisième, c'est ça ? Ouais, d'accord. Ouais. Mais ils travaillent à Valence. Enfin, d'ailleurs, ils travaillent aussi sur les effets spéciaux et le compositing des films de Pierre-Luc à Folimage. Pierre-Luc Grandjean. Donc là, c'est la tétralogie des Mélie, les 4 saisons, là. Ouais, Mélie, d'accord. Non, enfin, c'est le premier, c'est. Mélie, pain d'épices ou. Non, un, deux, trois, Léon. Léon, voilà, c'est voilà. Léon. 4, 5, 6, pain d'épices. Mélie, pain d'épices. Après, ouais. 4, 5, 6, ils l'ont rajouté, ouais, pour. Ouais, pour faire la saison. Ouais. Enfin, voilà, là, il y a. Donc, et donc, la 7, 8, 9, forcément. Le 4e. Non, le 3e qui vient de sortir. Voilà, c'est ça qui va. Et voilà, là, le 4e, bon, ils sont pas encore commencés, mais il y a un petit report, là. 7, 8, 9. Mais lui, il continue de travailler, donc, dans cette équipe, une équipe bien soudée, bien efficace sur ces spéciaux, là. Et donc, en parallèle, il n'en a jamais assez, hein. Donc, il fait le film avec Arnaud, et donc, on essaye, là, de voir peut-être, justement, aussi avec Arnaud demain, éventuellement, qu'il nous aide un peu pour le. Trouver des fonds pour finir le projet. Ouais, pour le son, pour un peu la post-prod image et éventuellement pour retourner quand même quelques plans qui nous manquent un peu cruellement. Donc ça, c'est un peu work in progress, là. Bon, mais donc il y a un retour peut-être, enfin, pas peut-être sûr vers le court-métrage en espérant que ça se. Ouais. Finissent à se produire. Alors, on est évidemment en retard, mais bien sûr, comme d'habitude, pour tout ce qu'il y a à dire. Et Camille Alice, alors toi, il y a eu un gros projet qui est Inukshuk. Alors là, c'est très étonnant parce que ça n'a rien à voir avec The End. Comment tu prends ce projet et comment tu l'amènes à un producteur avec. C'est gros, c'est 8 minutes, hein, c'est pas si gros, mais c'était très agréable. Au sortir de l'école, j'avais envie de refaire des films aussi, donc voilà, j'ai bossé un peu partout et puis j'avais différents projets dans mes cartons et j'avais reçu un mail d'un producteur qui s'appelle Bruno Bianchi qui bossait à Sip Animation et qui cherchait à produire des courts-métrages. Et du coup, je l'avais rencontré, je lui avais parlé de mes trucs, on s'était bien entendu, il était emballé, notamment par Inukshuk qui était un projet facile à faire parce que c'était que du dessin et moi ça me faisait envie de revenir à un truc très très simple comme ça, dessin à la plume sur très papier. Très épuré, voilà. Ouais, une chose. Seule ligne et voilà, un truc. Et bah du coup, j'ai bossé là-dessus, on a tenté d'avoir des sous, on en a eu avec le CNC, Arte, et puis du coup, bah, je l'ai fait là-bas, c'était un peu comme une espèce de résidence, j'étais tout seul à Sip Animation pendant qu'ils faisaient des séries, moi j'étais dans mon coin et j'avançais mon court-métrage et j'ai fait appel à des gens que j'avais rencontrés à la Poudrière pour bosser avec moi au montage, pour l'image, Olivier Gillon, donc Gwen Malorant, voilà, puis Rémi Chaillet aussi qui m'a aidé sur le storyboard, enfin différentes personnes, voilà que j'avais rencontrées sur The End notamment. Et puis le film, bah, il s'est fini. Et ta carte blanche, pardon, sur ce film, parce que là, on a l'impression, comme t'en parles, on a l'impression que t'es dans un coin, je sais pas, animation, qu'on te donne un peu d'argent et qu'on te dit, allez, vas-y, maintenant, tu fais ce que tu veux pendant 2 ans. C'était un peu ça, enfin, c'était pas 2 ans, j'ai mis, enfin. T'as mis Disons que j'avais écrit un projet, ça devait être en février 2007, le temps qu'on ait les subventions et les fonds pour faire le film, ça a pris un an, donc pendant lequel j'ai fait autre chose. Et puis je me suis remis au travail donc un an plus tard, et là j'ai dû mettre 8-10 mois à faire le film, dont je sais pas, peut-être 5 mois à CIP à temps plein. Et oui, j'étais assez libre. Enfin voilà, il y a Arte qui Hélène Vessière qui gardait un regard sur le film quand même. Bruno Bianchi aussi, mais en me laissant assez libre de faire mon truc, et du coup c'était très bien. Et donc grâce à Inuk Chouk, pour la deuxième fois, t'es sélectionné au Festival d'Annecy. Exactement. Ouais. La première fois, c'était pas La Poudrière d'ailleurs, c'était un film des Beaux-Arts. C'était un petit court-métrage que j'avais fait aux Beaux-Arts. Muleta Magic Traffic. C'est très vieux. 2003. Et j'étais en film d'étudiant à ce moment-là, et du coup, je suis revenu dans la compétition officielle, et j'étais très fier. Dans la grande salle. Mais ouais, c'était une très belle projection d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de bosser aussi avec Loïc Burkhardt et Loïc Moniot pour le son. Et on a fait un super beau boulot, et ils ont été vraiment super, et j'avais un très beau mixage, j'avais une copie 35, j'étais très content, et du coup la projection en salle était très très bonne, ouais, du film bien. Et d'ailleurs dans d'autres festivals aussi, parce que celui-là il a eu la chance de pas mal tourner, et j'ai eu la chance de le suivre. Et du coup, j'ai un petit peu voyagé, j'ai découvert d'autres festivals, et c'était très plaisant, ça. Ouais. Et je me suis rappelé, donc après, je me suis fait enlever par Florentine, que tu as eu le Grand Prix, un festival dont on parle beaucoup ici. Oui, Meknès. Maroc, voilà, où tu as eu le Grand Prix. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais j'étais. C'est encore un peu, pour l'instant, il manque encore un peu d'argent pour inviter les. J'aurais pu y aller comme ça, parce que des fois, je me suis déplacé à mes propres frais pour aller voir les festivals, parce que c'est quand même vraiment bien, mais ouais. Il y a un contact avec les étudiants qui est super bien en plus, donc. Bon. Mais du coup, ça m'a donné envie d'y aller, et je pense que l'an prochain, je vais y aller là. Génial. Et après, donc, Inuk Chouk marche donc bien. Bah, Inuk Chouk maintenant, il est en fin de vie, parce que je l'ai fini fin 2008, donc il a tourné en 2009, 2010, et puis là, bon, là ça s'essouffle un peu, c'est normal, donc il faut en faire un autre. Donc ouais, il y en a un autre qui est prévu. Il y en a un autre qui est prévu, mais il n'est pas fait, alors. et puis il est encore que dans ma tête pour l'instant, et en bribe tellement éparse que je n'en parle pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fait un court métrage? On sait bien, on en parle souvent ici, il y a pas d'économie tellement pour le court métrage, c'est vraiment on galère pas mal pour donc il faut bien vivre à côté de ça, faut bien manger. Ouais. On travaille toujours j'ai fait de la, en ce moment tu travailles la série, là j'ai fini, enfin là on développe un petit projet de série, mais j'ai fini en juin, je bossais sur Nini Patalo pour France 3, voilà, qui est une adaptation de la bande dessinée de Lisa Mandel, et donc j'étais assistant réalisateur. Ouais. Wow. Ah. Qui est un travail assez éprouvant, qui consiste à faire des feuilles Excel et à les distribuer à tout le monde, mais intéressant, et surtout humainement, quoi. Parce que les animateurs sont des gens très très sympas, donc c'est bien. Dernière petite question, t'es rentré plus jeune à La Poudrière, t'avais pas l'âge? Ouais, j'étais le premier qui avait pas l'âge, et je leur ai dit, si vous me prenez pas, tant pis pour vous, je vais faire des films, alors ils seront peut-être nuls, et du coup ils m'ont pris. C'est vrai? Bon voilà, vous savez ce que vous avez à faire, il faut leur dire, allez, je suis génial et vous avez tort. C'est pas je suis génial, c'est juste... Même pas. Non, mais j'avais vraiment envie, je pense qu'ils ont senti que j'avais envie, puis ils ont fait l'écart... Et puis je crois qu'ils l'ont refait depuis pas mal de fois. Non, ils l'ont. Ça s'est refait depuis. Ça s'est rajeuni, je crois. Mais je sais que beaucoup parlent de. Oui, ça s'est rajeuni d'un an. C'est possible. Mais en général, j'ai l'impression que les promos, il y a des gens plus jeunes maintenant. Il y a évidemment de plus en plus. On en parlait de talents très jeunes, en fait, et des gens qui commencent même l'anime beaucoup plus jeunes et qui sont là-dedans. Donc, mais je sais qu'on en parle. Il y a toujours des mythes comme ça dans des écoles. Et je sais que t'en parles de toi par rapport au fait de dire il y arrivait plus jeune, donc voilà, on peut y arriver aussi, puisqu'il y en a un autre qui est arrivé avant et qui avait. Donc en tout cas, est-ce qu'on peut, on est d'accord, juste pour finir par La Poudrière, que juste pour les gens qui écoutent, et il y a beaucoup d'étudiants comme ça qui veulent, il faut avoir, au niveau du dossier, au niveau de la présentation, faut vraiment avoir de l'envie, faut montrer des choses un peu personnelles et qui sentent. Parce que c'est vraiment des gens qui vont passer du temps sur les. Laurent Pouvaré passe beaucoup de temps sur les dossiers quand il les reçoit. Enfin voilà, il regarde ce qu'il y a. Est-ce qu'on est d'accord là sur ça? Oui, je pense qu'il recherche de la motivation. Il recherche aussi à former une équipe. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait une promo qui est très soudée Et ça, je pense qu'il est dans le recrutement, ils font aussi attention à ça. Ça veut dire que on peut être recalé une année. C'est pas parce que le dossier est mauvais, c'est peut-être aussi parce que, voilà, en fonction des autres, ça collait pas forcément. Et du coup, faut pas hésiter à retenter si. Sachant qu'il n'y a pas de liste d'attente, enfin il y a une liste d'attente, mais c'est pas 1, 2, 3, c'est en effet selon les gens qui pourraient, ce qui n'arrive pas à partir pour faire en effet ce que tu disais. Plutôt une meilleure équipe, cohérence, Mathieu, dernier mot. par rapport à la... par rapport à la motivation, par rapport au dossier, à la poudrière. Et... Est-ce que toi, t'as senti quand t'avais présenté ton dossier, est-ce qu'il t'avait dit, oui, ça c'est génial ce que t'as fait à ce moment-là, ces trucs, ou que tu te rappelles un peu de cette entrée? Oui, il m'avait dit qu'ils avaient été déçus par mon dossier. Non, parce que comme je les avais déjà rencontrés un mois avant, enfin pendant un mois l'année d'avant, j'avais un petit peu misé sur le fait qu'on se connaissait et en fait j'avais pas envoyé des tonnes de trucs. Donc c'était surtout des choses qu'ils connaissaient déjà en fait. Et du coup c'est vrai que j'avais pas envoyé tout ce qu'on faisait de plastique en fait à la cambre. Donc ça ils auraient voulu quoi, mais je pense qu'ils sont quand même plus attentifs plutôt que de voir des kilos de croquis nus, de voir quand même des expériences d'anime ou de cinéma peut-être d'ailleurs, de se poser des questions sur la réalisation de montrer que et peut-être plusieurs expériences loupées avec un certain regard critique dessus, ça doit être des choses intéressantes qui prennent en compte. Ouais, que ce soit de l'anime, des histoires, du son, de voilà. Mais... faut avoir envie en tout cas. Mais comme c'est une narration quand même, donc plutôt de raconter des histoires aussi. Oui, au sens large. Ouais, mais c'est vrai, les sentiments, les émotions, une envie de réalisation dans ce sens-là, ouais. Il y a ce que je trouve intéressant quand même, c'est enfin quand je suis rentré, c'est quand même qu'il y avait un bon mélange entre ceux qui avaient déjà par exemple déjà fait l'MK ou qui avaient fait une formation d'anime, donc ils savaient déjà beaucoup de choses techniquement. Moi j'en savais un peu plus, mais c'était pas j'étais incapable de travailler dans la production d'anime, enfin je connaissais pas tous les termes, c'était la bidouille quoi, on va dire le côté beaux-arts de l'anime. Et de l'autre côté, ceux qui en fait avaient vraiment essayé par leurs propres moyens et qui c'est ça, donc ça il y a pas de connaissaient pas grand chose quoi, mais qui avaient une super envie ou un super univers à développer quoi. Ouais. OK. Bah merci beaucoup. On va faire une dernière pause musicale avant de laisser la parole pour un temps trop court, j'en suis désolé, à Alice. On va écouter bien évidemment ce groupe absolument incroyable que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et cette chanteuse Krista Cameron, donc I Wrestle a Bear Once, avec le morceau, comme je suis perdu, pas le morceau 8, parce que le morceau 8 qui fait 6 minutes 30, c'était Yann Volzy qu'on mettra sur le site. Yann Volzy qui avait fait la musique donc du film de Chen Chen, Échappé de son regard notamment, qui a eu un prix qu'on n'a pas eu le temps. Il y a des gens sur ici, c'est mieux qu'enregistré, on aura le temps de le passer, donc ça doit être la 9. Ouais, c'est ça. Combien de temps ça dure? 3,49. Voilà, allons-y pour la 9. J'espère que c'est la bonne. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la rêve était de faire. Mais je, vous êtes bien sur Bulldog. Mais j'arriverai pas à le faire. J'aurais pas à le faire trop. Je le ferai la prochaine fois. Je pensais commencer mes cours comme ça entre profs. Oh, vous êtes bien, l'MK. Mais bon, je sais pas ce que ça donnerait. Je mettrais cette musique là en tout cas. Oui, tout à fait. Camille Elvis parlait de Mike Patton et de Mr. Bungle. C'est vrai que ça pourrait être un peu dans ce style là. Et voilà, de musique qui va dans tous les sens. C'était I Wrestle a Bear Once. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début que c'est bien une chanteuse, Christa Cameron, que vous entendez et non pas un chanteur comme quoi. Oui, les femmes peuvent beugler aussi. Ça, c'est génial, heureusement.